C'est DJ Case. Eh oui, il est là. On est toujours là. En forme, DJ Case, comment va? Ça va, super. Le ramadan se passe bien? Très, très bien. Bon, ouais, bah là, on va. La chaleur, mais. Avec la chaleur, on va profiter d'une heure de rail suprême avec toi au contrôle. Donc, un moment festif et pour oui, tout le monde, de partage. Ouais. Ouais. Non, je sais pas. Écoute, pendant une heure. J'ai senti que je me mettais un froid. Peut-être que tu veux partager avec personne. Je partage mes dates. mon petit verre de lait. Eh ben, écoute, tu as raison. Tu as bien raison. C'est parti. Coup d'envoi de ce rail suprême. DJ Case au contrôle. Et puis, on va rappeler aussi qu'on se rapproche de la sortie de Paréo en New York, hein. Eh oui. D'ailleurs, ce soir, on va se rejouer des sons de ce projet qui sort donc le 25 août. L'album Paréo en New York de DJ Case. Et ça sort ouais, le 25 août, donc c'est officiel. Et tu feras le premier Planet Rap. On peut l'annoncer, le retour de Planet Rap dès le 18 août. Le 18 août, ouais. Avec DJ Case au contrôle pendant une semaine. Je serai en pleine tournée, mais j'en profiterai pour passer. Et bah, j'espère bien que tu louperas pas la date. Non, je louperai pas. Allez, coup d'envoi, c'est parti. Allez. Tous les dimanches, une heure de son 100% rail. Avec DJ Case sur Skyrock, c'est Rail Suprême. Rachid Arabe, on ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque. Par peur, faire marave. Débrouillard, plus tout jeune, un gosse du Rachid System. Beurre et conscient de son potentiel. En France, si facile se retrouver au Hebs. Halafi, au 30 dans des coups de trafic. Je suis toujours un petit rifle, toujours à l'affût, vicieux des spas. La débrouillard d'Istar, ça, c'est le coup de grippe Rachid System. Pour ceux qui ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois, c'est fatal, ça semble interminable comme les Tifada. Avec les moyens du port dans tous les domaines, on a la hache, t'as l'état à bendo. Et si on tourne ouvert aux critiques, photo, aussi vrai que j'aime mon pays et que rien ne le vaut. C'est la hache système, gros.

in a combination with the David Piccolo. It's called Regatta. Regatta. Minuit, une heure, minuit, une heure. C'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Tu veux mon cœur mais on sait plus de quoi on connaît pas. We'll be right back.

Skyrock. C'est DJ Case comme ouais. chaque dimanche soir pour Rise Supreme. Comme chaque dimanche. Ouais. Comme chaque dimanche, on s'ambiance aussi avec les morceaux de l'album par Aaron York qui sort le 25 août. Il y a que dans Rise Supreme qu'on peut les écouter, comme celui-là, Sheba Aymen et Rami Lapache. Le titre c'est Sheba. Et par Aaron York le 25 août dans les 25 bacs. 25 août dans les bacs. Disponible. Que des titres inédits. Que des titres inédits. Album double, album double CD. Terrible, avec DJ Case au contrôle. C'est ça, au contrôle. Donc pas de soirée en ce moment. Pas de soirée en ce moment. Annoncé. Les soirées reprennent début août. Début août. Je peux désormais vous dire que je serai le 1er août, le vendredi 1er août à Marrakech. C'est au Must Club. Donc le plus gros club de Marrakech, c'est le Must. Et on fait tous les vendredis là-bas. Le samedi, c'est à Genève que je serai, au Hate Club. Le dimanche, donc le 2, le 1, le 2, le 3. Le 3, je suis à Hammamet en Tunisie. Le 5, en Espagne. Et après, je donnerai tous les détails par là. J'ai pas encore, mais parce qu'il y en a, il y en a plein, beaucoup en fait. Ouais, plein au mois d'août. C'est pour ça que là, je vais faire beaucoup de sport ce mois-ci pour encaisser pour le mois d'août. Ok. Parce que ça avait un rythme infernal. Bah écoute, le corps d'athlète est pas loin. C'est parti. On est reparti pour la dernière session. Allez. Tous les dimanches. Une heure de son 100% rail. C'est Rail Suprême. Magic System. Red One. Chanty. Keep it. Skyrock. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. We'll be right back. Rail. Avec DJ Kaze sur Skyrock. C'est Rail Suprême. DJ Kaze, Rail Suprême, le dimanche soir. C'est la fin déjà de ce Rail Suprême. On se retrouve dimanche prochain. Dimanche prochain avec encore des nouveautés, des classiques. Qu'est-ce qu'on a pu écouter, la Kaze? Alors là, on s'est mis Magic System et Ahmed Chaouki. Magic in the Air avec Un Gao Oran, 113 et Magic System. Kader japonais, Mamma Mia. On s'est mis une série Stifi avec Algerino, les DZ Ario, qu'on salue. Et Shep Khalas. Téléphone. C'est ça. Et ben merci Kaze pour cette soirée. Ben merci à toi. Merci. Rencard dans une semaine. Courage à tous ceux qui font le ramadan sous cette chaleur. Et puis savourez bien pour ceux qui sont en vacances. L'heure est venue de se restaurer un petit peu après le son de Rail Suprême. Allez-y, profitez. Merci et merci à toi. Vous pouvez encore manger à cette heure-là. Ouais, ça on peut. Allez, merci à tous. Ciao Kaze. Ciao. À la semaine prochaine. Passez une bonne soirée. Le son continue sur Skyrock, c'est rap, R&B non-stop. Ciao.